peut s'envoler en gardant les pieds sur terre. Joséphine, Joséphine, Colombine, Colombine. Aujourd'hui, j'embrasse qui je veux. Je veux. Devinez, devinez, devinez qui je suis. Derrière mon loup. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de la Distro Lapinothèque en direct sur Radio Air Libre. Et on a des invités spéciaux ce soir qui vont nous présenter le petit pangolin illustré. Alors, je ne sais pas si on vous écoute, Nico. Eh bien, je suis là, je vous entends, cher ami. Ah, parfait, ben voilà. Eh bien, écoute, on voulait savoir. Donc, nous, on a reçu par le courrier de la Poste à l'ancienne. Un super journal, 4 pages, je ne sais pas si c'est de la sérigraphie ou il y a une partie qui est sérigraphiée, mais ça, tu vas nous raconter tout de suite. C'est quoi cette histoire de pangolin illustré? C'est quoi l'idée? D'où ça sort? Moi, je fais partie de la Fanzinothèque belge, la petite Fanzinothèque belge, et puis au bout de 2 semaines, on s'ennuyait, et puis Patrice, mon autre collègue de la Fanzinothèque, s'est dit on pourrait faire un truc par la poste, vu qu'on est ni l'un ni l'autre très réseaux sociaux ou très web en général. On s'est dit, on pourrait faire ça, on a assez de copains qui dessinent, copains-copines, et du coup, on a fait un appel un mercredi sur les réseaux en disant, si vous voulez dessiner, nous, on sort un journal qui s'appelle Le Petit Pangolin Illustré pour lundi prochain. Donc voilà, la deadline, c'est samedi soir, et puis nous, on fait la maquette dimanche, on imprime, et puis on envoie lundi. Et c'est parti comme ça, il y a 8 semaines, du coup. Et on a pu aller imprimer aux ateliers du Tonnerre, qui sont un atelier coopératif, où ils nous ont dit, si vous êtes les seuls à y aller, allez-y. On a pris les clés, on y est allé. Et du coup, depuis 8 semaines, on imprime tous les dimanches. Et on envoie, du coup, à celles et ceux qui veulent le recevoir. Et puis là, au bout du 6e numéro, on a dit, on met en place un petit abonnement, parce qu'on arrivait à plus de 300 abonnés. Et alors, raconte un peu qui participe, Qui participe et c'est quoi un peu l'esprit, puisque c'est quand même un peu satirique, c'est par rapport à ce qui se passe, mais en même temps c'est décontracté. Et donc peut-être pour donner une idée de l'ambiance du journal. C'est vrai que nous, on vient du monde du fanzine, du coup on est toujours un peu... On aime bien quand c'est un peu le bordel, et du coup, on voulait vraiment le premier appel, on a demandé à toutes celles et ceux qui voulaient, puis on s'est rendu compte, là, au troisième numéro, qu'on est un des seuls journaux d'une à paraître en papier, et où il y a autant de garçons que de filles, voire peut-être même un peu plus de filles, et il s'avère que, en plus, dans les contributions, en fait, le seul truc, nous, on s'est dit, c'est pas de... tous les trucs politiques, en fait, à quoi bon, en fait, les mettre, si c'est trop politique et trop précis... ça va pas pouvoir parler à tout le monde. Du coup, en fait, on n'a pas vraiment eu de trucs comme ça. Et il y a l'idée, c'est que c'est un journal, mais sous forme de 2 à 3 recto verso, donc imprimé. Et ce qui change par rapport à n'importe quel journal, c'est qu'il y a essentiellement des dessins, un peu de texte, et que quand t'achètes un journal, bah t'as un article avec une image. Et ben nous, en fait, sur 1 à 3, il y a peut-être 15 dessinateurs avec un texte en plus. Et donc ton regard se balade là-dedans. Et je pense que c'est ça qui fait la grande originalité du truc, c'est qu'en fait, en tout cas moi en tant que premier lecteur à chaque fois, c'est pas moi qui fais la maquette, c'est Patrice qui fait la maquette, et ben mon regard il se balade entre ces dessins et ces textes qui, peut-être si on était sur un réseau social, ben, on pourrait les lire un à un, mais là t'as dans les mains quelque chose en papier, ça c'est un truc que nous on aime bien, la Fanzinothèque on est fan de toutes ces publications en papier, et donc quand t'as ce truc dans la main, t'as ton regard qui passe de l'un à l'autre. Et tu fais ta propre lecture, et donc ça c'est Patrice qui, quand il fait la maquette, se dit bah tiens je vais mettre ça à côté de ça, puis il récupère des petits trucs qu'il trouve à droite à gauche pour parfois combler les trous. Et puis en fait on reste toujours ouvert à chaque numéro, on dit bah voilà, maintenant on a mis la deadline vendredi soir pour nous envoyer des trucs, et puis bon bah on a quand même une certaine chronique qui reviennent, où Maggie de Vlog quand même on prend pour son grade hein, quand même, où Sophie non pas non plus la moins égratignée. Mais voilà, on se balade vers tous ces thèmes et il s'avère que on est entre 20 et 30 dessinateurs, dessinatrices qui nous suivent, enfin qui nous suivent, qui dessinent chaque semaine. Et bah du coup, on sent qu'il y a que leur travail, du coup, c'est un truc qui évolue. Et si on suit les numéros, bah il y a quelque chose qui se crée avec tous les nouveaux qui passent à travers ça, quoi. Et puis il y a un espèce de petit truc qu'on reçoit à côté ou qui est agrafé avec, qui est le jeu des 7 familles. Tu peux un peu expliquer, parce qu'au départ, moi, je me dis, ah, tiens, on reçoit un jeu avec on reçoit un jeu, mais on sait pas comment ça fonctionne. Et puis là, j'ai vu que dans les derniers ou dans le dernier ou l'avant-dernier numéro, ben, il y a un petit explicatif. C'est quoi l'idée? Bah, ça, c'est vrai qu'on a on fonctionne un peu comme des fanzineux ou comme n'importe qui a une idée, bah, on le fait. Nous, on est vraiment dans le do it. Et puis, à un moment, j'en parlais à Patrice, je disais, ah, tiens, on pourrait faire une idée. Imaginez toutes les familles qui sont confinées. Ah tiens, on pourrait faire le jeu de cette famille. Ah tiens, nanana. Bon, alors du coup, comme on adore travailler, ben, on se rajoute du travail pour se dire, au final, on va faire ça. Et donc, c'est pour ça que les règles, elles arrivent quand tu as déjà 6 ou 7 familles. Parce qu'en fait, on a commencé très vite à se dire, ah tiens, moi, j'ai une idée, toi aussi. Puis après, on a parlé à droite, à gauche, et d'autres personnes se sont mis à dessiner et de faire un jeu de 7 familles pour pouvoir jouer. Et puis, c'était surtout de pouvoir s'amuser avec l'idée des jeux des 1000 familles confinées. D'avoir bah, d'une le petit gadget qui est comme dans les magazines qu'on pouvait retrouver ou les fanzines, mais les gadgets il y en a quand même moins à part la Gazette du Rock, d'avoir bah t'as ton journal et un petit truc, et puis du coup de semaine en semaine bah ta collection évolue, et puis bah maintenant grâce au 8e numéro tu peux enfin jouer et avoir cette famille complète et pouvoir voilà jouer avec ceux avec qui tu te déconfines. Et alors justement du coup pour les gens qui ont envie de s'abonner ou de trouver le petit pangolin illustré, tu peux nous dire comment ça se passe? Je sais que nous, on va essayer de l'avoir à la Lapinothèque pour pouvoir le diffuser dans les moments informels où on diffuse quand même, on continue à exister. Mais pour les gens qui nous écoutent, comment ils peuvent faire pour s'abonner simplement? Eh ben, on a au bout du 5e numéro, on s'est dit que oui, ça serait bien de mettre ça en place, parce qu'à chaque fois, il y avait des personnes qui découvraient et du coup, qui nous demandaient les premiers numéros. Donc, en fait, si on va sur fanzinorama.be, en fait, c'est la page d'accueil de notre site. Et du coup, dessus, il y a les informations. Et du coup, bah, si tu veux t'abonner, bah, en gros, maintenant, l'idée, c'est de faire un versement en fonction de tes moyens. On dit, voilà, si t'es 12 € si t'es belge ou 15 € si t'es français, ça paye l'impression et les timbres. Et puis bah après, et en même temps, si t'as pas trop de thunes, bah envoie quand même, parce que nous, ça nous fait plaisir de te l'envoyer. Et c'est juste qu'on a envie que les personnes qui le reçoivent n'ont pas juste fait un clic sur Facebook en disant « Ah tiens, j'aime bien », ils le reçoivent, que ça engage un peu plus. Et donc voilà, fanzinorama.be, il y a toutes les infos. Et puis bah, après, il commence à avoir des lieux, il y a la bouquinerie à côté de la vieille chéchette aussi, je leur en ai déposé. Donc voilà, un lieu de livres qui ont aussi des petits pangolins. Et puis si tu veux avoir toute la collection, bah, sur le site, il y a un formulaire à remplir, tu dis voilà, mon nom, mon prénom, les numéros qui te manquent ou ceux que tu veux, et tu les reçois. On a eu comme ça un cabinet dentaire qui nous a dit « Ah voilà, on a découvert ça, moi je le veux bien pour ma salle de dents. » Voilà, ils ont commandé toute la collection. Bon, on a tout envoyé la semaine dernière, quoi, lundi. Ah, trop cool. Eh ben, écoute... Voilà, on a réussi à s'organiser finalement au bout de 8 semaines. On a réussi, on a un peu commencé ça comme sur un coup de tête. On a envoyé, et puis le fait d'avoir la Fanzinothèque derrière nous, bah, ça nous permet d'avoir... Bah, on avait un peu de sous de côté pour pouvoir payer les premiers timbres et le papier, etc. Et puis bah, après, avec ça, ça a suivi. Et c'est, bah, on en arrive là, au bout de 8 numéros, où là, on s'est dit, on souffle un petit peu. Là, on en fait un dans 15 jours pour reprendre un peu du poil de la bête, parce que c'était aussi l'idée de faire un journal papier pendant le confinement pour sortir des réseaux sociaux, de sortir du virtuel. Et comme le déconfinement arrive et que tout le monde ressort... Une partie des personnes, même des lecteurs, lectrices, vont travailler, ben, il n'y a plus le même temps, c'est plus la même urgence de travailler. Donc nous, on s'est dit, ok, on va au moins respirer. Parce que finalement, ça nous a bien rempli notre confinement, ce journal. Mais c'est cool, en tout cas. Je me suis dit, mais oui, il faut que je l'envoie à celles et ceux à qui je n'ai pas pensé. Donc tu vois, même des amis comme toi ou des... ou même la famille, c'est des personnes qui n'ont reçu qu'après le numéro 3 ou 4, tellement on est parti, ben c'est comme une course après le bus, en fait, tu penses pas d'avoir tout mis dans ton sac, tu cours, et puis bon, au prochain arrêt, tu regarderas si t'as pas perdu des trucs. Donc, voilà, là, au bout de 8 numéros, on arrive à faire ça, quoi. Bon, mais je te remercie beaucoup, en tout cas. Ben, merci à toi de t'en être intéressé. Eh ben, écoute, avec plaisir. Moi, j'ai bien rigolé quelques fois. Et puis, ce sera disponible à la Distro La Pinothèque. On mettra le lien vers le lien que tu as donné tout à l'heure. Ouais, fanzinorama.be. Et puis, on est toujours prêt à recevoir tout type de contributions. Hein. En gros, on a une chronique qui revient, c'est le baiser de la semaine, vu qu'on était dans une période où on ne pouvait pas se toucher, et encore moins peut-être embrasser... des inconnus ou des amis. Donc voilà, ça peut être un thème qui peut-être à tes auditeurs auditrices, si ça vous tente de dessiner deux personnes qui s'embrassent, eh ben, il y a une chronique qui vous attend dans le petit pangolin illustré. Ok, super. Eh ben, pour se fêter ça et pour clôturer cette interview, on va s'écouter un morceau que tu as choisi de Maria Violencia. Voilà, la balade de l'indifférence. Ouais, c'est un titre que j'ai beaucoup écouté en le faisant, et puis elle parle de tout quand on se balade dans sa vie ou dans la ville et que parfois on est indifférent à des choses. Et je trouvais que le pangolin, bah, du coup, j'espère qu'il ne laisse pas si indifférent que ça. Ok, ciao Nico, à plus. Merci. Ciao. Salut. We'll be right back. Alors, je vous rappelle que nous avons été privés de coiffeurs et de coiffeuses pendant ces deux longs mois et que c'était complètement atroce comme supplice. Alors, à Gilbert, coupe, mes mélons poils. Je veux dire merci aux Slugs. Alors, les Slugs sont du label Arège et le label Arège est présent également à la Lépinothèque. Donc je veux les remercier, les Slugs, pour ce petit hommage capillaire très, très, très sensuel. Alors, pour la suite, moi, par contre, je me suis penchée sur quelque chose de totalement différent. Je me suis penchée sur le contenu d'un blog qui s'intitule « Les cahiers de pédagogie radicale », qui vise à développer des pédagogies inspirées par l'œuvre de Paulo Freire. Alors, pour rappel, en fait, Paulo Freire est surtout connu pour avoir développé l'alphabétisation populaire pour les adultes au Brésil et en Argentine, à des fins de conscientisation mutuelle et de lutte contre les oppressions. Alors ici, c'est Irène Pereira qui entretient ce blog. Alors, c'est un blog qui est fait dans l'esprit d'une pratique qui ouvre des possibilités de résistance et de lutte au quotidien dans l'espace scolaire. Donc, les pédagogies radicales se situent contre les pédagogies conservatrices, qu'on peut appeler pédagogie bancaire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle pédagogie bancaire ? Bah, ça dit un peu ce que c'est-à-dire une espèce de déversement de quelque chose d'une personne vers une autre. En l'occurrence, ici, un certain savoir. Et les pédagogies radicales se situent aussi contre les pédagogies dites libérales. Alors par là, ils entendent ce qu'on peut appeler aussi les pédagogies nouvelles, alternatives, qui sont ici basées sur la performance individuelle de chaque élève, mais qui ne remettent pas du tout en cause le système dans lequel on vit. Alors en fait, je vous avais déjà présenté un livre de cette autrice, donc Irène Pereira, qui m'avait fait bien réfléchir. Ce livre, c'était Les pédagogies critiques. Alors c'est un livre qu'on a toujours à la Lapinothèque. Enfin, on a toujours un exemplaire. Et donc en fait, Les pédagogies critiques, c'était un ouvrage collectif sous la direction de Laurence de Kock et Irène Pereira, qui avait été édité en coédition avec la Fondation Copernic en 2019. Bah, je vais vous resituer en deux mots. En fait, les pédagogies critiques sont abusivement englobées dans les pédagogies nouvelles, donc ce que je viens de dire, donc dites alternatives, alors que les pédagogies critiques participent d'un projet politique de remise en cause de l'ordre néolibéral et des dominations de toutes sortes, telles la démarche des grands fondateurs, Célestin Freinet et Paulo Freire. Alors Irène Pereira, pour que vous voyez un petit peu qui c'est, elle est diplômée en philosophie, docteur en sociologie, elle est chargée de cours en sciences politiques à l'Université de Paris-Dauphine. Et ça, c'était jusqu'en 2011. Mais depuis, le choix qu'elle a fait, c'est d'être professeure de philosophie dans l'enseignement secondaire. Et elle est par ailleurs adhérente au syndicat Sud Éducation, proche de l'organisation Alternative Libertaire, et elle participe également au comité de rédaction de la revue anarchiste Réfraction. Elle est cofondatrice de l'Institut Bellux Paulo Freire, dont elle est membre représentant pour la France. Et en fait, dans l'Institut Bellux Paulo Freire, vous entendez aussi Bell Hooks, dont j'avais présenté également un ouvrage qui avait été édité aux éditions Cambourakis, et qui s'appelle toujours d'ailleurs « Entire Woman ». Alors, c'est elle qui entretient le blog des pédagogies radicales. Alors elle y poste plein d'articles, souvent d'ailleurs sous la forme de dialogue, ce qui est très intéressant et très facile à lire et beaucoup plus abordable. Et c'est une forme qui est préférée aussi par Paolo Frère. Alors le texte sur lequel je vais me pencher maintenant, c'est un assemblage de plusieurs articles qui se complètent. Et tous ces articles sont téléchargeables sur ce blog gratuitement. Alors l'article en question s'appelle « Éthique de la critique ». Et l'objet de ce texte est de faire mieux connaître un autre courant de l'éthique qui est l'éthique de la critique. Alors par rapport aux courants principaux de l'éthique, en fait l'éthique de la critique se caractérise par sa prise en compte du contexte social et en particulier de l'existence de discrimination et d'inégalités sociales systémiques. Il se caractérise, en outre par une deuxième dimension qui consiste à prendre le parti des opprimés ou du point de vue d'en bas. Et l'objectif de cette éthique est la justice sociale. Alors en général, quand les étudiants ont des cours d'éthique, l'éthique de la critique est mentionnée comme étant un courant de l'éthique au sein d'auteurs nord-américains dans le domaine de l'éducation, comme par exemple Robert Starat, Joan Shapiro ou encore Lise Langlois. Alors en fait, ces auteurs réfèrent l'éthique de la critique, en particulier à la théorie critique de l'école de Francfort. Alors l'école de Francfort, c'est un groupe de philosophes allemands qui sont connus pour avoir développé une analyse critique de la société capitaliste et bureaucratique qui est marquée par la domination de la rationalité instrumentale. Alors désolé pour tous ces mots un peu qui sortent peut-être pour vous de nulle part, mais c'est assez clair. En fait, la rationalité instrumentale désigne en fait la tendance à accorder un primat au calcul des moyens les plus efficaces sur la réflexion éthique concernant la finalité de l'action. La rationalité instrumentale caractérise également le champ technoscientifique. Voilà. Alors une autre source de l'éthique de la critique pour ces éthiciens, c'est également, et là la boucle se boucle, la pédagogie critique, et en particulier celle de Paolo Frère. Alors quand je dis que la boucle est bouclée, en fait l'article ne fait que commencer. C'était un peu une mise en bouche. Et à travers cet article, Irène Pereira va approfondir et analyser différents points de l'éthique. Donc l'éthique face à une situation problème, mais aussi les risques du discours éthique dans l'espace public. Et encore, elle va rajouter un petit texte aussi. Je vous dis, c'est un ensemble d'articles qui sont compilés ou qui nous concernent particulièrement aujourd'hui et qui s'appelle « L'éthique en temps de pandémie ». Donc ce qui est intéressant, c'est en quoi l'éthique de la critique peut-elle nous aider à penser l'éthique en temps de pandémie ? Donc ça concerne la place des personnes vulnérables, les inégalités face à la pandémie. C'est aussi une mise en lumière des conditions socio-historiques de la pandémie. Donc c'est une étude des conséquences sur la gestion de la pandémie, des politiques néolibérales du service public de la santé, par exemple, ou les manquements des pouvoirs publics, s'ils ont lieu. Quant au principe d'égalité et de non-discrimination dans la gestion de la pandémie. Alors, on va également faire attention à comment veiller à ce que le discours éthique ne soit pas instrumentalisé à des fins de faire passer au second plan le principe d'égale considération des êtres humains. On va également analyser, le texte. L'article va également analyser les risques qu'implique la pandémie en termes d'inégalités sociales, qu'ils soient au service de la défense des personnes les plus vulnérables, et surtout qu'ils ne soient pas instrumentalisés à des fins de propagande gouvernementale, de manière à justifier, soi-disant éthiquement, des manquements des autorités gouvernementales auprès de la population. Voilà, moi je vous invite à un peu aller voir ce blog, parce que au-delà de cet article-là, il y a plein d'articles qui dépassent vraiment le domaine de la pédagogie et qui, voilà, qui vont s'attaquer à plein de choses super intéressantes. Et maintenant, je vais vous proposer d'écouter, afin d'illustrer l'éternelle crise dans laquelle nous sommes plongés, et particulièrement le besoin de sortir danser, voir des potes en pagaille. Alors je vous propose ce morceau, c'est un petit rafraîchissement un peu années 80, et c'est un morceau des Civils, et ça s'appelle « La crise ». La décadence, c'est la bonne ambiance. Alors, je relaye maintenant un petit message d'une amie qui habite en Bourgogne, plus exactement à Venaret-les-Laumes. En fait, Venaret-les-Laumes, c'est à plus ou moins une heure et demie au nord de Dijon. Alors, ce message, c'est... en fait, ce message vient de la quincaillerie. C'est un endroit qui est juste à côté de chez elle. C'est un super chouette endroit, un vieux moulin qui est habité par des gens que vous connaissez peut-être et qui propose en général des concerts, des pièces de théâtre, des résidences et tout ça, et qui sont pour l'instant confinés. Mais là, par contre, il lance un tout petit appel. Bonjour à vous toutes et tous. Nous vous invitons à la quincaillerie ce vendredi 29 mai. Donc en fait, c'est après-demain. À partir de 17h, et oui, il vous invite sur place pour une émission radiophonique organisée par nos camarades de Radio Talweg. Radio Talweg, je vous en avais parlé aussi à l'émission précédente, c'est vraiment la radio qu'ils appellent déconfinée, mais qu'ils ont créée en temps de confinement dans la région, donc en Bourgogne. Et donc Radio Talweg, là, va s'installer pour le coup vendredi 29 mai à partir de 17h à la quincaillerie. Alors, l'entrée est libre, il y aura même un buffet à prix libre et de quoi boire un petit verre. Oh là là là là là là, ça change. Alors, au programme, à 17h, il y aura l'introduction de l'émission et puis il y aura une présentation de Venaret-les-Laumes. Mais surtout la discussion qu'il y aura dans le cadre de cette émission, c'est une discussion sur qu'est-ce qu'un lieu, qu'est-ce qui fait lieu. Alors il y aura des intermèdes musicaux aussi et tout ça. Et puis il y aura une deuxième partie de l'émission qui sera consacrée à la dérive mexicaine. Enfin, ça s'appelle plutôt dérive mexicaine. Voilà. Alors, ce sera une présentation du collectif Mujeres y la Sexta. Thierry, tu me corriges mon accent s'il faut. Alors, c'est un collectif international et européen. C'est un collectif de soutien aux luttes des peuples indigènes au Chiapas et des luttes en cours contre les méga-projets toxiques. Alors, il y aura ensuite un entretien sur la pandémie du point de vue des indigènes du Mexique. Et donc, voilà, tout ça à la quincaillerie, avec un petit verre, et voilà, un petit buffet, ça va être sympa. Et donc, si vous ne pouvez pas aller sur place, si vous n'avez pas l'intention de traverser la frontière, bah, vous pouvez toujours écouter l'émission via le site Radio Talweg, en direct, à partir de 17h. Donc ce vendredi, ou en réécoute un peu plus tard, voilà, quand vous voulez. Bah voilà. Pour faire une transition qui n'en est pas une, on va s'écouter Against All Authority avec le titre Sacco et Vanzetti. C'est un groupe anarcho-punk originaire de Miami qui n'existe plus, comme tout groupe anarcho-punk qui se respecte. On s'écoute tout de suite Sacco et Vanzetti. Et après, on part dans les contrées américaines de la violence des États-Unis, de l'exploitation des ouvriers, des anarchistes, tout le bordel. Juste après, c'est parti. We'll be right back. All Against All Authority. Voilà, c'est bientôt une rubrique historique, histoire du mouvement ouvrier, histoire du mouvement anarchiste qui s'ouvre ici sur la distro La Pinothèque et peut-être sur Tranche de Nerf aussi. Où, ben voilà, il y a un vieux bouquin que ça faisait déjà quelques mois qui traînait dans la pile et qui nous parle des anarchistes italiens immigrés aux États-Unis. Le titre, c'est « Parole claire, la bonne guerre des anarchistes italiens immigrés aux États-Unis de 1914 à 1920 aux éditions La Soifée, sortie en 2018. Donc voilà, ce bouquin nous replonge dans l'histoire passionnante et violente des États-Unis d'Amérique et de ses luttes sans merci entre la bourgeoisie affamée de profit et la classe ouvrière qui s'en prend plein la pomme de terre. Alors que ce soit au sein des IWW, syndicats révolutionnaires qui regroupent toute une sorte de qualifiés, ouvriers étrangers, vagabonds, travailleurs saisonniers, anarchistes, communistes, socialistes, avec comme moyen privilégié d'action l'action directe des bibliothèques de quartier, la grève sauvage, le boycott. Voilà, ça c'était une partie de l'histoire des États-Unis à cette époque-là, et on a des bouquins là-dessus, mais j'en parlerai une prochaine fois. Là, on va partir sur d'autres anarchistes qui existaient en parallèle de ceux-là, qu'on qualifierait en quelque sorte d'individualistes, et qui existent dans ce contexte de répression lié à, d'une part, l'exploitation des entreprises, des industries, et de la Première Guerre mondiale, où les États-Unis joueront un rôle dans l'industrie militaire et puis dans l'intervention assez importante. Alors sur le livre Parole claire, il y a pas mal d'immigrés qui viennent un peu de partout aux États-Unis. Et dans ces immigrés, il y a notamment des immigrés italiens et des immigrés italiens anarchistes, intransigeants, dont un fameux Luigi Galliani, qui animait un journal subversif qui s'appelait Cronaca Subversiva, qui était édité en italien, qui est un journal de critique sociale, anti-guerre, et pour la propagande par le fait. Luigi Galliani avait aussi publié un fameux livre de recettes pour le moins explosif, avec des conseils et des détails à l'appui, qui s'appelle Le salut est en toi, qui est d'ailleurs reproduit dans le bouquin Les paroles claires. Mais revenons sur le contexte de l'époque, qui est l'industrie et la participation à la Première Guerre mondiale. Donc d'une part, on a l'exploitation violente sans ménagement des prolétaires. Et là, je vais prendre un exemple de la fameuse grève des mineurs du charbon du Colorado en 1914, où il y a un massacre très très fort qui va se passer à Ludow, donc on est dans le Colorado, et où la grève des mineurs avait pour origine la journée des 8 heures, mais toute une série de revendications. Et juste l'année avant, il y avait une centaine de mineurs qui étaient morts dans les galeries. Donc du coup, c'était des conditions de vie très dures. Et pour briser cette grève qui avait été entamée là en 1914, les trois compagnies utilisent des jeunes et des compagnies de vigiles privés pour briser ces grèves, notamment en envoyant ces jeunes avec des voitures spéciales armées de mitraillettes qui tiraient littéralement sur les mineurs qui étaient en piquet de grève devant l'entreprise. Et dans le courant du mois d'avril, ces mineurs qui travaillaient, vivaient dans les maisons des propres patrons des mines, puisqu'ils devaient louer aux patrons des mines, et les magasins s'appartenaient aussi aux mines. Tout était de la naissance aux crèches jusqu'au corbillard, tout appartenait à une seule même entreprise. Et du coup, avec cette grève, ben, les entreprises ont commencé à expulser ces mineurs qui se sont, à un moment donné, retrouvés à la rue et ont occupé une colline. Donc, il y a eu un campement avec, 200-300 personnes qui occupaient cette colline. Et du coup, d'une part, il y avait les milices privées qui venaient réprimer cette occupation et l'État a envoyé la garde nationale. Alors, au départ, les ouvriers pensaient que c'était pour les protéger, mais ils ont été réprimés. Il y a eu une trentaine de morts, selon Howard Zinn et Louis Adamic, qui a aussi écrit un bouquin qui s'appelle Dynamite, qu'on a eu à la Pinothèque, mais qui est épuisé, qui devrait ressortir, qu'on devrait avoir bientôt, et Howard Zinn qui en parle dans l'histoire populaire des États-Unis. Donc, ça a été très violent, mais il y a eu toute une série d'histoires comme ça, de grèves, avec des formes pacifiques ou des fois moins pacifiques, qui se sont soldées dans le sang et où il y a eu des luttes très intenses. Voilà, ce bouquin parle aussi de ça, mais parle aussi d'autres histoires. Et là, je vais prendre une anecdote qui est loin d'être représentative de ce qu'il y a dans le bouquin ou dans l'histoire des États-Unis, qui est l'histoire de cette fameuse soupe empoisonnée. Hein. Donc là, on est en février 1905. Un certain William Mudelaine, nommé comme nouvel archevêque de Chicago par le Vatican, prépare en grande pompe son investiture, qui devait être éclatante, et d'une certaine manière, elle a été sans doute. Il a organisé une cérémonie officielle majestueuse avec une réception, en invitant des invités de marque tels que le gouverneur de l'Illinois et toute une série de dirigeants responsables, notables en tout genre. Et ce petit festin de 200-300 personnes aux frais de l'Église, mais des sous qui soutirent aux ouvriers, il y a un premier plat qui est servi, qui est une soupe de bouillon de poule, et seulement, voilà, après quelques cuillerées, les visages pâlissent, les estomacs crient l'intoxication et on aurait pu penser à une intoxication, mais il s'agit d'un empoisonnement volontaire. Alors, serait-ce le coup d'anarchiste ? Bon, ben, c'est ce qu'on apprend un peu dans ce livre. Effectivement, je ne vous dévoile pas tout, comme ça vous le découvrirez, mais il s'agit bien d'un empoisonnement volontaire. Ça, c'était à Chicago, mais c'était dans ce contexte de lutte intense et où, à un moment donné, des anarchistes qui n'étaient pas organisés spécialement au sein des IWW, qui avaient leur journal, leurs actions, qui ont utilisé, je dirais, la propagande par le fait, dont cet exemple-là. Et ce bouquin parcourt toute une série d'actions qui ont été faites par ces anarchistes italiens, mais il y avait les Russes, il y avait des Allemands aussi. Donc, tout dans le cours de 1914, 1915, 16, 17, 17 qui va être le moment où les États-Unis vont officiellement entrer en guerre et participer plus activement à la guerre et participer à l'effort de guerre, notamment à travers l'industrie de l'armement, et où là-dedans, une série d'actions seront aussi réalisées. C'est décrit dans le bouquin avec documents à l'appui. Alors, c'est assez fouillé, il y a des photos, etc. C'est pas mal fait du tout. Bon, voilà, c'est un bouquin qui fait peur, mais en même temps, on y apprend plein de choses. C'est bien documenté, il y a des coupures de presse, des photos, des documents de l'époque. Bon, il faut remettre tout ce qui s'est passé dans ce contexte d'exploitation intense, de répression très forte d'un patronat féroce et de l'entrée en guerre des États-Unis, où là, à partir du moment où ils ont entré en guerre, ils ont été intraitables, ils ont interdit tout ce qui était légal, illégal, emprisonné, enfermé, détruit les journaux. Des socialistes aux anarchistes, ça a été vraiment le carnage. Donc, je vous invite à lire Parole claire, la bonne guerre des anarchistes italiens immigrés aux États-Unis 1914-1920 aux éditions La Soifée. Et puis, on va s'écouter... Qu'est-ce qu'on va s'écouter? Un morceau en extra-exclusivité de La Marmite. Donc, La Marmite qui est sous le label Arech. Sur le label Arech qu'on diffuse à la Lapinothèque. C'est un... inédit qui s'appelle Coronarictus 1984. Alors il y a un clip qui est en préparation qui sortira bientôt. Restez attentifs sur le site arech.net et il y a un badcam qui existe pour La Marmite. Donc n'hésitez pas, on s'écoute tout de suite. Coronarictus 1984, c'est parti. Notre monde n'a sans doute jamais connu de plus grande menace que celle-ci. Nous tous, qui sommes à votre service, nous continuerons à défendre votre liberté et à repousser les forces qui cherchent à vous en priver. Votre ministère demeurera fort. Unissons-nous face au malheur, devant nos écrans à 20h. On nous annonce la guerre mondiale contre un virus n'est pas banal. Mobilisation générale, amour, entraide et paix sociale. Sauvons des vies, l'économie, faut y croire quel qu'en soit le prix. Sans masque, tu bosseras, la mascarade applaudira. Mais sache que le télétravail, pas de chance, c'est pas pour les mandailles. La parole claire des gouvernements, sachant chasser les faux sachants. L'addition nous présentera, glisser dans les lois de Corona. Du bonheur techno-industriel. Continuons à tourner en rond sur les circuits de marchandises où les pandémies à venir font leur canon d'essai. Après 500 années de guerre et de pestilence, le capital est plus que jamais disposé à poursuivre son ascension sur des montagnes de cadavres. L'État compte son or et nous comptons nos morts. Business as usual, c'est la guerre sociale. C'est leur monde, leur virus, c'est nos mots, leur ictus. Business as usual, c'est la guerre sociale. L'État compte son or et nous comptons nos morts. Business as usual, c'est la guerre sociale. C'est leur monde, leur virus, c'est nos mots, leur ictus. Business as usual, c'est la guerre sociale. We'll be right back. La marmite. Donc on est très curieux de découvrir ce futur clip. On verra qu'est-ce que les copains de la marmite peuvent inventer là-dessus. Voilà, moi je vous fais un petit point avant de se dire au revoir, un petit point sur des initiatives de gens de Bruxelles, par-ci par-là, qui, avec l'histoire de la crise du coronavirus, il y a plein de gens qui sont dans la merde, des sans-papiers, mais aussi plein d'autres gens, et qui ont du mal à finir la fin du mois. Et donc, du coup, il y a toute une série d'initiatives par rapport aux aliments, à la bouffe, à la nourriture. Il y a des réquisitions de bâtiments pour accueillir des personnes sans logement, mais aussi des gens simplement qui ont du mal en fin de mois. Et du coup, il y a une adresse, si vous avez des dons de matériel, genre rallonge électrique, multiprise, literie, matelas, sommier, drap, bouloir, frigo, mais aussi tout ce qui est bouffe, tout ce qui est relatif au nettoyage, etc., etc. Vous pouvez écrire un email à grandecollecte@riseup.net, donc grandecollecte@riseup.net, et du coup, vous pouvez vous arranger et proposer des trucs que vous avez entre chez vous et qui serviront à d'autres gens. Et alors, je vais faire un rapide tour d'horizon sur Bruxelles, des différents endroits horaires pour pouvoir aller chercher, par exemple, de la bouffe. Donc à Scarbeck, qui est à l'école 404 rue Chaperonnier au numéro 1. Et ça, c'est tous les jours entre 10h et 18h. À Anderlecht, au local de la JOC, rue d'Anderlecht numéro 4, tous les jours entre 10h et 18h, mais c'est mieux d'appeler avant. Tout ce que je vous donne comme info, il y a un article sur IndieMedia, donc n'hésitez pas à aller sur indiemedia.be et vous aurez les coordonnées exactes. À Oloué-Saint-Lambert, il y a l'hôtel Flambeau, avenue Lambeau 150, le mardi entre 9h et midi et entre 17h et 20h. À Saint-Josse-l'Adhésif, rue Lidekerk, tous les jours de 10h à 18h, mais pas de matériel volumineux. Donc, ramenez pas vos machines à laver, c'est pas la panne. Saint-Josse-la-Fabrique, rue du Moulin 85, le vendredi de midi à 14h, sur rendez-vous. Donc, il y a le numéro de téléphone, je ne le communique pas ici, mais sur IndieMedia, vous le trouvez. À Saint-Gilles, il y a le Steaky, rue Gustave Defnet, numéro 4 et 6, tous les mardis de midi à 14h, et c'est uniquement de la nourriture. Et encore à Saint-Gilles, il y a rue de la Victoire 45, un peu tout le temps, mais quand même, prenez contact avec eux. Voilà, donc n'hésitez pas si... Parce que, voilà, ça va être chaud. Ça a été chaud pendant la crise et ça va être chaud pour plein de gens d'ici ce qui vient. C'est pas une solution en soi, mais n'empêche, quand tu es dans la merde, tu es dans la merde, donc tu dois te débrouiller avec ce qu'il y a. Et donc il y a des gens qui s'organisent et ça, c'est un truc qui se passe. C'est tout pour la distro La Pinothèque. On se donne rendez-vous le mois prochain. Dernier mercredi du mois prochain. Et puis Transgénère, c'est toujours tous les mercredis de 20h30 à 21h30. Avec une rediffusion le vendredi. Avec une rediffusion le vendredi à 21h sur Radio Air Libre. Et on se dit à la prochaine et on s'écoute le petit générique de fin. Ciao. Salut. Et merci à Serge pour la technique. Ouais, merci Serge. Quoi de neuf, docteur? À la radio, bien souvent, on nous donne des cours d'histoire, de cuisine et d'anglais. Tous ces sujets n'intéressent personne, mais moi je sais bien ce qu'il nous plairait. La Bistro La Pinothèque, c'est de la diffusion de brochures, de livres, de disques, de vinyles, du mouvement social, du punk, des zombies, de la marée chaussée pendue par ses pieds. Vous étiez à l'écoute de la Bistro La Pinothèque dans l'émission Tranche d'Anard sur Radio Air Libre. Tranjana, c'est tous les mercredis de 20h30 à 21h30. Et la distro La Pinothèque, c'est le dernier mercredi de chaque mois à 20h30. Tout ce bazar écoutable sur le 87.7 FM à Bruxelles et partout dans le monde sur radioairlibre.net.